Numéro 5. C'est dingue. J'en reviens pas. Mon parfum favori. Le numéro 5 de Chanel, une biographie mais non autorisée. La première fois où vous avez eu la formule du numéro 5, on a le sentiment de pénétrer le plus incroyable des secrets. On a le sentiment de comprendre... Jacques Polge, parfumeur. Quelque chose de... ce très long cheminement qui va au fond, j'allais dire, des Égyptiens, parce que vous savez qu'il y a des tombes en Égypte où on a retrouvé des formules de parfums. Cette espèce de long cheminement qui fait que, avec des sens différents, à des époques diverses, des gens ont voulu, de manière différente, émettre des odeurs. Enfin, il y a quelque chose de probablement magique, mystique et en même temps très quotidien dans tout ça. Je crois qu'elle avait ce sens assez étonnant de sentir que pour faire une chose et pour faire que cette chose dure, il fallait se placer ailleurs que dans la mode. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Jacques Polge inscrit l'histoire du numéro 5 dans une très longue durée remontant jusqu'aux Égyptiens. Il est aussi dans la longue durée Proust quand il dit que le parfum est la dernière réserve du passé, la meilleure, celle qui, quand toutes nos larmes sont taries, nous fait pleurer encore. Et Marie-Dominique Lelièvre, ici présente, bonjour. Bonjour Jean. S'inscrit, elle aussi, dans une démarche séculaire quand elle publie chez Stock une biographie, j'insiste, non autorisée du numéro 5. C'est pas votre premier livre sur Chanel, on se déprend pas de Gabrielle Chanel. Non, c'est un personnage extrêmement riche, attachant et mystérieux. Et je crois que je pourrais facilement écrire un troisième livre sur elle. Alors, il y a un test amusant à faire. Allez sur Wikipédia, excellente encyclopédie participative. Mais alors, l'article Gabrielle Chanel, c'est un véritable maquis, un buissonnement. Des petites histoires qui s'emboîtent dans les plus grandes, qui ne sont pas nécessairement vérifiées. Et assez aisément, on ne comprend plus rien. Alors qu'on n'attende pas de nous de la clarté, mais peut-être un exercice critique sur les traditions existantes autour du numéro 5. Alors on sait que Chanel a plutôt fait fortune pendant la Grande Guerre. On va faire une histoire politique. Vous voulez bien qu'on fasse une histoire politique ? Si vous voulez, oui. Hein ? On va inscrire la biographie de Chanel dans une histoire générale. On sait que Chanel a fait fortune pendant la Grande Guerre, la boutique de Deauville qui fonctionne en 1914, avant que les élégantes ne puissent retrouver la capitale, la maison de Biarritz, qui vend beaucoup aux Espagnols neutres, qui multiplie les échanges pendant ce conflit. Et pendant ce temps, en Russie, nous sommes en décembre 2016. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a à faire ? L'assassinat difficile dans les sous-sols du palais Youssoupov de Rasputin dans une histoire du numéro 5. Le poison n'agit pas. Où est la affaire ? Il était là il y a un instant. Excusez-moi, je ne me sentais pas bien, je suis allé prendre l'air. Le poison n'a pas agi. Il a mangé les gâteaux empoisonnés, il a bu le vin empoisonné. Il a fait de quoi foudroyer 20 personnes. Ne discutons pas. Ce qui compte, c'est que Rasputin ne sorte pas d'ici vivant. Comment vous sentez-vous, Grégory Efimovitch ? Il est trop tard, Grégory Efimovitch. Elle est très belle, cette croix. Tu veux pas me la donner ? Félix. Là où il n'y a que convenance, on peut être grinçant parfois. Deux des assassins de Rasputin se retrouvent à Paris. Le prince Youssoupov et le grand-duc Dimitri, lequel est accompagné de sa sœur, la grande duchesse Maria Pavlovna. Ils sont cousins de Nicolas II, ils sont neveux et nièces du tsar Alexandre III. Et Chanel les prend sous son ombre après la guerre civile. Maria Pavlovna. En fait, Chanel a fait la connaissance du grand-duc Dimitri chez une de ses amies actrices. elle est devenue la maîtresse du grand-duc qui lui a présenté sa sœur Maria. Je pense qu'elle est tombée sous le charme et aussi sous la très grande séduction de l'infini luxe des tsars et de l'aristocratie russe. Parce que l'aristocratie russe, avant la révolution de 1917, était une des plus munificentes de la terre. C'est une aristocratie qui possédait des bijoux, des joyaux fabuleux, qui avait des traditions, qui avait une haute couture, qui avait des parfums aussi d'ailleurs. Généralement français, mais en tout cas qui a donné à Chanel ce savoir du très grand luxe. Et ça a d'ailleurs modifié sa mode, parce que vous parliez de sa mode pendant la guerre de 14, c'était une mode pauvre. Après avoir rencontré et le grand-duc et la grande-duchesse Marie, sa mode a énormément évolué. Maria Pavlovna fonde la maison Kitmir, blouse, tunique, manteau brodé. Mais alors que faire du frère, le grand-duc, ils résident ensemble, rue de Miroménil. Ceci, c'est une voix qu'on n'a pas entendue depuis une semaine à la marge de l'histoire. Restait le problème Dimitri. Ces demoiselles étaient toutes vaguement amoureuses du grand-duc si romantique qui avait participé à l'assassinat de Rasputin. La surprise vint cependant de Chanel elle-même, qui gardait une nostalgie secrète pour les aristocrates ambigus et détachés qu'il avait protégés autrefois et lui avait tant porté chance. Chanel était vraiment amoureuse de Dimitri, qui appartenait à ce genre d'hommes qui se donnent facilement mais ne s'attachent qu'à leurs souvenirs. Or, ceux de Dimitri fascinaient Chanel, qui avait fait carrière dans le naturel, mais appréciait le faste et les grandes manières. Elle lui faisait raconter des nuits entières le détail des raffinements de la cour. Et puis Dimitri, qui faisait l'amour avec une douceur indifférente, était un amant idéal pour celle qui appréciait la beauté des hommes, mais n'avait guère de goût pour leurs étreintes. Ils disparurent au soleil, laissant la maison de couture en plein émoi. C'est quand même une bien belle tradition que celle qui dit que les deux amants partent en voiture, se retrouvent sur la Côte d'Azur et que Dimitri présente à Chanel Ernest Beau. Vous parliez des parfums qu'aimait la cour. Ernest Beau était un parfumeur très en vogue à Saint-Pétersbourg. Présente donc Ernest Beau à Chanel. Et de là vient la naissance du numéro 5. Oui, alors, en fait, non, ils ont réellement fait un grand voyage en voiture tous les deux. Et évidemment, ça a été très tentant d'imaginer qu'ils avaient fait une pause à Grasse et que le grand-duc aurait présenté Ernest Beau, parfumeur de la cour, à Chanel. Mais d'abord, c'est pas très réaliste, parce que un grand-duc ne fréquentait pas les parfumeurs et pas les chimistes. Un grand-duc fréquentait des aristocrates. Et puis, parce que la tradition, évidemment, il y a pas d'archives écrites sur cette période-là, mais la tradition raconte tout autre chose. En fait, elle a rencontré... L'autre tradition. Non, mais là, c'est plus que la tradition. C'est vraiment une sorte de recoupement de témoignages, hélas oraux, mais de témoignages tout de même extrêmement fiables, et aussi de documents, puisqu'il y a quand même quelques documents d'archives que j'ai trouvés chez Gilberte Beau, qui était la belle-fille d'Ernest Beau, qui prouve que, en fait, ça se fait par la maison de parfum, pas par... Alors, Gilberte Beau, c'est une femme étonnante, une femme libre, hein, c'est le titre de son autobiographie. Elle vous ouvre les archives de son beau-père, Ernest. Dites-moi, c'est un drôle de personnage, Ernest, parce que moi, je le connaissais comme parfumeur, inventeur du bouquet de Napoléon en 1912, anniversaire de la défaite française en Russie, mais c'était un sacré interrogateur dans les zones septentrionales pendant la guerre civile. C'était un homme de la terreur blanche. En fait, oui, Ernest Beau, c'est un Français, mais qui est né à Moscou et qui a grandi à Moscou et qui a fait ses premières armes de parfumeur à Moscou dans une société qui s'appelait Raleigh, mais qui était une société russe. D'ailleurs, ça existe toujours aujourd'hui, mais ça a pris en Russie, mais ça a pris un autre nom. Et Beau avait une formation de chimiste et pendant la guerre de 14, évidemment, il était de nationalité française, donc il est rentré dans l'armée et là, on lui a demandé de de fabriquer des gaz asphyxiants. C'était le début des armes chimiques, donc il en a fabriqué. Et puis, il a fait une guerre assez longue, puisque, étant totalement bilingue, il a été recruté par les Anglais pour interroger les prisonniers de l'armée rouge sur une île qui est d'ailleurs aujourd'hui qui a un mémorial, parce qu'on a torturé beaucoup de rouges. Donc, on n'en saura peut-être pas davantage après notre entretien, il faut acheter votre livre, sur la composition du numéro 5, mais davantage sur celle des gaz chimiques et sur celle des méthodes d'interrogatoire. Polge, né de Chanel, bien après Beau, Jacques Polge. Vous pensez parfois à Ernest Beau, le créateur du numéro 5, qui justement, sans laboratoire, sans ordinateur, a inventé le numéro 5? Je pense à Mademoiselle Chanel, que je n'ai pas connue, et qui devait être un personnage étonnant, et qui donc... plus à Mademoiselle Chanel qu'à Monsieur Beau. Enfin, je crois que c'est elle qui a fait le numéro 5, plus que Monsieur Beau. Mais enfin, en même temps, on m'a parlé de lui, j'ai rencontré des gens qui l'ont connu, et c'est vrai qu'il a probablement... en créant le numéro 5. Mais enfin, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Mademoiselle Chanel? Moi, je suis persuadé que c'est plutôt Mademoiselle Chanel qui l'a fait, n'est-ce pas? Ce qui est formidable avec votre bio du numéro 5, c'est qu'il y a des tas de sujets d'école, comme ça, des sujets de dissertation. Non, mais Jacques Paul, j'ai pas tout à fait tort. C'est-à-dire que le numéro 5 produit avec son marketing, avec son packaging, cette très belle boîte noire avec des cornières blanches, avec des cornières noires. Ça, c'est l'invention de Gabrielle Chanel. En revanche, la fragrance elle-même est une pure invention d'Ernest Beau. La preuve, c'est que elle existait bien avant sa rencontre avec Gabrielle Chanel, puisque vous avez parlé tout à l'heure du bouquet de Napoléon en 1912. Mais en 1913, il a inventé une fragrance qui est le bouquet de Catherine pour célébrer l'anniversaire de la grande Catherine. Et c'était un parfum complètement avant-gardiste, parce qu'il utilisait de nouvelles molécules mises au point par la chimie. Et ce parfum en Russie a donc été lancé à Moscou, a été un flop complet. Et c'est cette fragrance qu'il lui a reproposée des années plus tard lorsqu'il l'a rencontrée en 1924. Mais c'est elle qui a peut-être trouvé le nom, ça c'est pas tout à fait sûr, mais en tout cas qui a imposé le packaging, le nom, et qui ensuite a été l'image pendant des années de ce parfum. Donc il a pas tort, c'est un mix. Enfin, la réussite d'un parfum comme celui-là, c'est assez complexe, il y a énormément de facteurs pour l'expliquer. À partir de 21, c'est la vente dans les boutiques Chanel, mais pour que la distribution se fasse à plus grande échelle et que la fabrication avec les produits de grâce soit mieux organisée, il faut en passer par un élargissement et des investissements. Et en 1924, donc, la société dont Beau sera le directeur technique est créée. 10% pour Chanel, 10% seulement la présidence, mais 10% seulement. Et alors les autres? Alors oui, ça c'était pour moi très mystérieux de découvrir une chose pareille. Je comprenais pas pourquoi elle avait accepté un contrat de cette nature. Donc Théophile Bader, patron des Galeries Lafayette, lui suggère de faire fabriquer son parfum par des industriels qu'il connaît, donc la famille Vertemer, qui possède les usines de cosmétiques bourgeois, et de manière à ce que le parfum soit diffusé un peu plus largement. Et ils font les trois parties créent une société en 24. J'ai vu les statuts de cette société. Et en effet, alors Chanel reçoit 10%, les Vertemer prennent 70%, et l'apporteur d'affaires, Théophile Bader, prend 20%. C'est vraiment très étonnant, parce que Chanel, on a toujours pensé que c'était une grande femme d'affaires. Je pense qu'elle n'a évidemment pas pu mesurer le succès colossal qui allait être celui de son parfum, puisque jamais un couturier n'avait incarné son parfum et jamais un couturier n'avait fait de best-seller avec un parfum. Et sa confiance était tellement grande qu'elle a signé le contrat avec le même avocat que les Vertemer. Elle n'était même pas représentée par un avocat. Alors, dans le contrat, ce qu'on lit, ce qu'on découvre, c'est qu'elle pourra continuer à fabriquer elle-même et à vendre le parfum dans ses boutiques. Je pense qu'elle a peut-être eu la vue un peu courte à ce moment-là. Elle a peut-être cru que c'est dans ses boutiques que le parfum se vendrait le plus. Dans les années 1930, quand la situation de la maison Chanel devient un peu moins aisée, quelques personnages vont s'introduire, dont le premier, Paul Irib, son nouvel amant, lui explique qu'elle se fait arnaquer. Alors, Irib, c'est un personnage qui avait cette phrase. « Ce qui sauve l'humanité, c'est que les hommes ne sont pas frères. Ce qui sauve l'humanité, c'est que les hommes ne sont pas frères. Il y a des hommes supérieurs, et puis il y a un pays supérieur qui est la France, dont la terre produit des pierres précieuses que Chanel utilise pour ses bijoux. Et il lui explique que les Vertémer sont de faux amis pour elle. Oui, alors elle avait d'ailleurs commencé à le comprendre très rapidement parce que dès les années 20, elle embauche des comptables pour vérifier les comptes. Elle ne comprend pas parce que le parfum se vend énormément et elle n'engrange pas de bénéfices. Donc elle commence par ça, puis elle rencontre Irib. Irib, c'est un grand directeur artistique. Hein, c'est lui qui a fait l'image, en grande partie l'image de Lanvin. Et elle se rend aux États-Unis. Elle découvre qu'aux États-Unis, son parfum est diffusé partout. Elle recrute à Paris un avocat. Qui est un avocat franco-américain, qui est avocat au barreau de New York, qui s'appelle René de Chambrun. René de Chambrun, c'est le gendre Laval, bientôt. Et oui, il va être le gendre C'est depuis longtemps le filleul de Pétain. Je dis ça comme ça en passant. Il va être le gendre de Laval, en effet. Et lui commence à batailler très sérieusement avec les actionnaires de Chanel, avec la famille Vertémer. D'ailleurs, Pierre Vertémer disait qu'il avait été obligé d'engager quelqu'un s'occupant spécifiquement des conflits avec Gabrielle Chanel. Avec l'emmerdeuse, quoi, parce que chez les Vertémer, on commence à la considérer comme telle. Elle ne saigne plus les procès-verbaux des conseils d'administration, et le siège social va être déplacé chez les Vertémer à Neuilly. La situation en est là, à cet instant que vous évoquez très bien dans votre livre, 1938, elle est chez Igor Markevitch, grand chef d'orchestre, grand dernier témoin des ballets russes. Et ils ont une conversation en Suisse. On commence à aller beaucoup en Suisse parce qu'on sent que ce sera un refuge. Et qu'est-ce qu'ils se disent? C'est une très belle conversation. Elle est difficile à résumer comme ça à la radio parce qu'Igor Markevitch la raconte dans ses mémoires. C'est une conversation d'une grande tendresse que j'ai relatée parce qu'on a souvent l'image d'une Chanel extrêmement dure, extrêmement sèche, sans cœur. Et on voit au contraire dans cet échange qu'ils ont l'un et l'autre, souligné par Markevitch, le cœur immense qui était celui de cette femme, sa capacité être à l'écoute de l'autre et ce qui est rare, les gens qui savent vraiment écouter les autres, c'est extrêmement rare. Et donc je pourrais pas vous la résumer très facilement, mais ils échangent chacun sur leur statut réciproque à Paris. Elle essaie de comprendre pourquoi il a quitté Paris. Il l'a pas du tout quitté pour des raisons politiques. Il l'a quitté parce que il a l'impression que cette ville le rend de plus en plus superficiel et la sèche. Et c'est quelque chose qu'elle comprend. Et c'est un vraiment très très beau moment. On a finalement pas énormément de témoignages sur Chanel, et ça c'est vraiment un des moments où on se rend compte que c'est une femme de très grand cœur. Tout ça pour dire que votre livre est équilibré, que vous la présentez parfois légère comme une colombe. On entend Markevitch dirigeant le pas d'acier de Prokofiev, on s'approche de la guerre. Marche de l'Histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Et maintenant, nous sommes toujours dans l'histoire du numéro 5 avec Marie-Dominique Lelièvre. 1939-1940, Chanel arrête la couture et continuera à habiller quelques amis seulement pendant l'occupation. Elle garde ses boutiques. Elle relancera en 1942 son usine de lainage parce qu'elle avait aussi des usines. Quant aux Vertémer, est-ce qu'on a dit qu'ils étaient juifs? Alors, les Vertémer étaient israélites, comme les Bader. Oui, les Vertémer étaient juifs. Les Vertémer, comme les Bader, d'ailleurs, les Vertémer sont une dynastie alsacienne, juive, qui a quitté l'Alsace en 1870, au moment où l'Alsace est devenue allemande. Et cette branche de Wertheimer est venue en France. C'est important de souligner parce qu'une partie de la famille est restée allemande. Et cette partie-là de la famille a probablement très tôt informé ses cousins de ce qui les attendait avec Hitler, si bien que les Wertheimer ont pu quitter la France très tôt. Chanel qui vit maintenant avec un amant allemand, Dean Clegg, que je vous présentais longuement, qui n'est pas sans un aspect agent secret, a deux grands soucis. Faire libérer son neveu André Pallas, qui est en prison chez les Allemands, et elle va se livrer à quelques acrobaties pour obtenir cette libération, et puis se libérer des Wertheimer. Nous voici en 1941. Se libérer des Wertheimer, c'est se libérer des actionnaires juifs de son entreprise de parfum. Ceci, c'est un meeting de 1941. La grande salle de Magic City où se déroulèrent déjà tant de meetings, mes chers auditeurs, tant de congrès, à une époque où l'on parlait beaucoup et où l'on agissait peu, est rouverte aujourd'hui pour la première fois depuis l'armistice et pleine de la foule enthousiaste des militants et des sympathisants du Parti Populaire Français. Et les orateurs vont se succéder à la tribune, véhéments ou froids selon leur tempérament, mais tous dénonçant le juif coupable des malheurs de la France et réclamant la restitution et la distribution des richesses frauduleusement accumulées. Voici Nedelec, héros de 14, émouvante illustration des horreurs de la guerre. Nedelec, qui a perdu la vue sur les champs de bataille, voit encore clair pour constater les exactions juives. Mais le PPF ne se contente pas de dénoncer et de réclamer. Et Raymond Orgat, qui est maintenant à la tribune, apporte en juriste les moyens les plus rapides et les plus sûrs de mettre les biens juifs à la disposition de la communauté. Et Vauquelin, dont vous avez déjà pu apprécier le talent d'orateur, va conclure ces débats en quelques mots brefs, qui sont autant de consignes que les assistants pourront appliquer dans la lutte de chaque jour, dans la lutte de tous les instants. Nous faisons le serment de refaire notre France. Nous faisons le serment que l'aurore de France appelle Français. Nous vous appelons au Parti Populaire Français, derrière Jacques Doriot, pour refaire la France. Reportage de Pierre Neuville sur Radio Paris. Refaire la France, je vais y contribuer, dit Chanel, en arianisant les parfums Chanel. Oui, elle tente de prendre appui sur les nouvelles lois anti-juives pour reprendre le contrôle de sa société. Mais cette société n'est pas arianisable parce qu'en fait, avant de quitter la France pour les États-Unis, les Wertheimer ont fait une vente, une fausse vente, mais une vente quand même, à un de leurs associés, parce que les Wertheimer ont deux affaires importantes. Ils ont la cosmétique avec Bourgeois et Chanel, et ils ont une affaire d'armement, les avions Amiot, qui fabriquent des bombardiers. Et donc leur associé, Félix Amiot, a accepté de devenir porteur de leur part. Donc la société, elle est déjà arianisée en quelque sorte. Il va en s'en suivre deux années à partir de 40, deux années assez sportives, de bataille de Chanel tentant à tout prix de récupérer ses parfums. Elle avait fait nommer comme administrateur Georges Madou, son homme d'affaires. Et puis Madou va être cassé de son mandat d'administrateur. Et elle fabrique du parfum, elle, pendant la guerre, les Wertheimer en fabrique aux États-Unis? Alors, il y a deux choses différentes. L'usine Bourgeois, parce qu'en fait, la fragrance était fabriquée chez Bourgeois, par l'usine Bourgeois, puis ensuite enflaconnée dans le packaging Chanel. Mais donc ça, c'est pour la France, continue à fabriquer du parfum. Et quant aux Wertheimer, ils ont quitté la France avec ce qu'on appelle des estagons. C'est-à-dire, ils sont partis, enfin, grâce à une... à l'entremise un peu rocambolesque d'un Américain qui est venu en France les chercher. Ils sont partis avec des estagons d'essence, donc essentiellement rose et jasmin de grâce. Et puis, ils ont ouvert à Hoboken, dans la banlieue de New Jersey, une usine, et ils ont commencé à fabriquer du numéro 5 aussi. Mais après la libération, Chanel se tirant des affaires qui auraient pu poser problème pour elle avec la justice, elle menace de continuer à fabriquer ses parfums. Et commence le temps des avocats. Alors vous avez dit que dès l'avant-guerre, Wertheimer employait un avocat à temps plein pour s'occuper de Gabriel Chanel. René de Chambrun, il est toujours disponible après la guerre. Parce qu'il a beau avoir été filleul de Pétain et gendre de Laval, il est aussi citoyen américain parce qu'il est descendant de Lafayette. Et il joue le go-between entre les États-Unis et la Suisse, où réside la plupart du temps dorénavant Gabriel Chanel. Alors, les interprétations de son histoire par René de Chambrun sont souvent sujettes à caution, mais assez drôles. On le surnommait Bunny. Grâce à la générosité de M. Berthémer, qui était, disons, son PDG, car il y avait une association qui s'est créée entre M. Berthémer et Mlle Chanel, ils étaient pas tout à fait d'accord. J'ai négocié des accords entre eux en 1947 après la guerre. Et puis à partir du moment où M. Pierre Berthémer a décidé d'être son associé et son ami, il a été très généreux avec elle et ne lui a rien refusé. Mais il y a eu une sorte d'escalade qui s'est produite au fur et à mesure des années. Ah oui, ça, pendant la guerre, le sommet de l'escalade même. Et alors, des accords qu'il négocie en 1946-1947, ça aboutit en mai 1947, le cinquième mois de l'année. Et ça porte plus tellement sur la part dans le capital de Chanel, qui ne sera plus de 10%, mais sur sa rétribution sur la vente de chacun des flacons de parfum. Nous sommes dans une reconstitution de cette négociation dans Autant en emporte l'histoire. Je vous rappelle que nous avons préservé ces 10% en les réévaluant lors de toutes les augmentations de capital et que ce pourcentage vaut donc beaucoup plus. Ce que vous avez fabriqué dans l'usine américaine, vous l'avez aussi vendu au GI avec une détaxe. Oui, comme tous les autres produits dans les ports militaires. Mais les ventes ont été énormes et compensent largement cette remise. On trouve le numéro 5 dans toutes les bases américaines de Tokyo à Anchorage. Comme vous pouvez sans doute l'imaginer, autour de moi, personne ne voulait que je reprenne contact avec elle. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là. Je lui propose un chèque de 50 000 $ et 0,5% du chiffre d'affaires. Ce chiffre est ridicule. Nous ne transigerons pas à moins de 5%. Alors la transaction s'est faite sur quelle base ? Non, elle s'est faite sur cette base-là, mais surtout, en fait, à cette époque-là, Chanel a vendu ses actions, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus du tout d'actions. Elle n'avait plus d'actions, mais elle avait les royalties, et le jeu s'est entièrement calmé. Et d'ailleurs, elle est devenue riche à ce moment-là. Elle ne l'était pas avant. Hein. C'est le parfum qui l'a rendue riche, et à partir de 1947. Et dans leur profonde générosité, les Berthémer ont relancé la maison de couture en 1954. Alors, on peut acheter du numéro 5, il y a plusieurs présentations possibles. 130 €, dites-vous, 7,5 millilitres pour l'extrait. Mais 21,50 pour votre livre, la bio non autorisée de Chanel. Vous maintenez qu'une histoire critique comme celle que vous la pratiquez contraint la maison Chanel, qui contrôle quand même le récit sur Gabriel, de renouveler son stock. C'est ça, il y a deux discours, si vous voulez. Enfin, il y a un discours corporate, qui est celui d'une entreprise qui vend des produits et qui le fait avec brio, talent et grande réussite. Et puis, il y a évidemment tous les gens qui, comme moi, sont très curieux, non pas de la réussite de cette maison, mais sont curieux du personnage de Gabriel Chanel et de ses réussites. Donc, ce sont deux quêtes complètement différentes. Dans un cas, on cherche une réussite commerciale. Dans l'autre, on essaye en savoir plus, si vous voulez. Je pense que oui, parfois ça oblige le discours corporate à se renouveler, parce que certaines légendes deviennent difficiles mais on joue pas dans la même catégorie, je pense. Enfin, les budgets publicitaires. Non, mais si j'avais les budgets publicitaires du numéro 5, je serais ravi. Voilà, eh bien, cette émission sur Coco. Tiens, j'ai donné que les prénoms aujourd'hui. Rémi à la technique, Audrey à la réalisation et Nathan pour la préparation.